Chers amis, le discours prophétique du Seigneur sur le mont des Oliviers ne s'est pas achevé avec le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. C'est pourquoi nous vous invitons à ouvrir votre Bible au chapitre 25, où, dans les versets 1 à 13, il est question de 10 vierges. Remarquez-le, c'est sur l'arrière-fond des guerres, des catastrophes naturelles, de la séduction, de l'angoisse évoquées en Matthieu 24, que se profile l'exemple de ces vierges sages qui se préparent à l'arrivée de l'époux. Comme c'est sur l'arrière-fond de la renaissance d'Israël et de la propagation de l'Évangile à toutes les nations que les inconséquences des vierges folles prennent pour nous l'aspect d'un sérieux avertissement. Vous lirez donc cette parabole des 10 vierges en Matthieu 25, 1 à 13. Il faut la comprendre à la lumière des us et coutumes de l'époque, lors de la célébration d'un mariage. Dans la soirée, le futur époux allait chercher sa promise à son domicile, mais il attendait que la nuit soit entièrement tombée pour l'emmener chez lui où un festin était préparé. En cours de route, des jeunes filles, amies de l'épouse, se joignaient au cortège nuptial pour participer ensuite au souper de noces. Mais à un moment précis, les portes de la salle du festin devaient se fermer et ceux qui arrivaient trop tard n'avaient plus qu'à s'en retourner. La scène de cette parabole de Matthieu 25 se joue donc dans la nuit noire. D'où, pour ces jeunes filles qui guettent l'arrivée de l'époux, l'importance de leur lampe. La parabole mentionne 10 vierges, chacune possédant une lampe. Mais 5 d'entre elles avaient négligé la réserve d'huile indispensable à une longue veille, et comme le retard de l'époux a prolongé l'attente, les 10 jeunes filles se sont endormies et toutes leurs lampes se sont éteintes. Tout à coup a retenti au sein de la nuit la proclamation « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se sont réveillées en sursaut, mais seules, celles qui avaient eu la sagesse de prévoir une réserve d'huile, ont été à même d'allumer leurs lampes et de rejoindre l'époux pour entrer avec lui dans la salle des noces. À notre époque, où on n'utilise plus de lampes à huile, nous ne mesurons peut-être pas combien il était important alors de prévoir une réserve d'huile pour allumer ce genre de lampe. C'est pourtant sur ce point précis que se concentre toute la portée de l'enseignement de Jésus dans cette parabole. Il qualifie de folles les jeunes filles, pourtant invitées au cortège nuptial, qui avaient négligé cette précaution élémentaire. Elles auront beau, au milieu de la nuit, se rendre auprès des marchands d'huile, elles arriveront trop tard à la salle des noces, dont la porte aurait été fermée entre-temps. Elles auront beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» L'époux leur répondra « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Versets 11 à 12. Chers amis, à l'instar de ces 10 jeunes filles, nous avons tous une lampe. De cette lampe, le roi David constatait déjà l'effet bénéfique il y a 3000 ans, lorsque, dans le plus long psaume de la Bible, il louait le Seigneur par ces mots « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. L'Écriture sainte est une lampe. Elle seule nous permet d'interpréter les événements présents avec la clarté d'en haut. Elle nous montre le chemin. Elle guide nos pas dans l'obscurité contemporaine. Elle inspire nos décisions lorsque nous parvenons à une croisée de route. Oh, quelle sécurité, quelle garantie et quelle assurance découlent des directives divines communiquées par la parole de Dieu, convenablement méditées et correctement interprétées. Or, que se passe-t-il aujourd'hui dans notre société post-chrétienne? La Bible est devenue pour beaucoup un objet de piété, un volume décoratif dans leur bibliothèque, ou un gros livre à couverture noire qu'on ouvre seulement aux ensevelissements. Peut-être considère-t-on encore la Bible comme un document historique, un ouvrage littéraire, un manuel de philosophie ou un code d'éthique et de morale. Mais ces appréciations sont totalement insuffisantes pour faire briller la lumière de Dieu dans notre vie. À l'époque, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains sacrés pour qu'ils nous transmettent l'exacte expression du message de Dieu pour les hommes. Il est donc logique que le Saint-Esprit soit le seul capable de nous interpréter la révélation et d'illuminer notre esprit. Or, dans la Bible, le Saint-Esprit est presque toujours symbolisé par l'huile. Et comme dans la parabole des 10 vierges, l'huile était indispensable pour faire briller leur lampe, On peut dire que le Saint-Esprit est l'agent divin tout désigné pour alimenter le texte sacré afin qu'il nous éclaire. C'est lui qui facilite notre approche des paroles divines, puis ouvre nos esprits pour que nous les comprenions et ensuite que nous les mettions en pratique. Et pourtant, que de croyants aujourd'hui ont la Bible, mais ne vivent pas à sa lumière. Ils se sont habitués aux privilèges d'une société qui profite encore inconsciemment des dernières lueurs du renouveau biblique de la Réforme ou des réveils spirituels du XIXe siècle. Cependant, si pour ces personnes il n'y a pas tôt ou tard un point de départ précis avec Dieu, avec l'expérience personnelle de l'acceptation de Christ comme Sauveur, il ne peut y avoir pour elles de vie chrétienne réelle. Le Saint-Esprit ne pénètre que les cœurs d'hommes et de femmes qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont reconnu dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix le moyen d'être réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul écrivait aux jeunes convertis d'Éphèse. En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. La foi en la parole de Dieu s'accompagne donc du Saint-Esprit comme d'un sceau apposé sur notre vie de croyant. Mais Matthieu 24 et 25 nous rappellent les circonstances de notre époque tourmentée, où la société de consommation a engendré le laxisme, la débauche et les violations des lois du Créateur. À un tel degré que l'Église elle-même se laisse entraîner par ce courant destructeur. Ce qui a fait dire au Seigneur, Matthieu 24, 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Or, c'est au sein des communautés chrétiennes que l'amour du plus grand nombre se refroidit, que les lampes du témoignage s'éteignent et que les formes de piété remplacent progressivement la vie spirituelle véritable. Et combien de croyants christianisés se réveilleront trop tard à la réalité lorsque les portes de la salle des noces se seront fermées devant eux. Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Matthieu 7, 21. Chers amis, vivez-vous de Christ ? Votre âme est-elle nourrie par la dynamique du message de Dieu révélé par la Sainte Écriture ? Ou vous contentez-vous d'une tradition chrétienne qui parfois cultive le souvenir des bénédictions passées, évite artificiellement de l'héritage de la Réforme et des réveils d'antan? Pourquoi alors passer à côté du renouveau que le Seigneur voudrait pour vous aujourd'hui? Bientôt retentira dans la nuit le cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, est à la porte, il est en train de revenir. Le discours du Mont des Oliviers nous prouve l'imminence de ce retour. Mais comment voulez-vous aller à la rencontre de l'époux si votre lampe est éteinte? Et comment rallumer cette lampe qui a tant brillé autrefois si vous n'avez pas à votre disposition une provision d'huile, c'est-à-dire si le Saint-Esprit n'a pas effectivement scellé votre vie? Ah, il ne servirait de rien de se rendre auprès des commerçants détenteurs des réserves d'huile. Car, hélas, on peut pousser l'application de cette parabole jusqu'à devoir constater qu'un véritable trafic s'est instauré avec le Saint-Esprit, symbolisé par l'huile, puisqu'on va aujourd'hui jusqu'à négocier ces dons que l'on doit en quelque sorte acheter ou mériter sous certaines conditions. Et pourtant, le Saint-Esprit, comme le salut, se reçoivent exclusivement par grâce et par la foi. Et surtout, moyennant repentance. Jésus a dit « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Luc 11, 13. Se préparer à la rencontre de l'époux, c'est donc s'assurer de la provision d'huile indispensable pour que la lampe brille. En d'autres termes, c'est accepter Christ comme sauveur personnel, afin que le Saint-Esprit habite votre cœur, puis c'est conformer votre vie au message de la parole divine. Alors, dans la nuit la plus sombre, votre lampe sera allumée et éclairera votre entourage. Vous serez dans la joie quand votre Seigneur vous emmènera dans la cité céleste avec son cortège nuptial, et vous serez introduits dans la salle du festin céleste, là où toutes les lampes réunies se fondront dans la clarté éblouissante de Christ, notre lumière. Comment mieux conclure notre entretien sur les ondes, chers amis, sinon par les mots avec lesquels le Seigneur a parachevé cette parabole des 10 vierges que je vous recommande de relire attentivement dans Matthieu 25, 1 à 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.